Au Pérou, le quotidien Callao a inséré le 1er juin sur une page entière l'article titré « Aspect de Pyongyang, ville moderne ». Il a imprimé les photos de la maison natale du président Kim Il-sung à Mangyongdae, de l'Arc de Triomphe, du musée de la guerre de libération de la patrie, du palais des enfants de Mangyongdae, de l'hôtel Koryu de Pyongyang et d'autres avec les explications.